Troisième partie. Monsieur Blois à l'hôtel. Bonjour, je m'appelle Blois. Bonjour, monsieur Blois. Vous avez une chambre à un lit pour moi, n'est-ce pas? Oui, monsieur, j'ai la chambre numéro 5. Est-ce que la chambre est grande? Non, monsieur, la chambre est petite. J'aime le sport et la gymnastique. Et dans une petite chambre? Oh, c'est parfait, monsieur. Votre chambre est au cinquième étage. Au cinquième étage. Oui, et il y a des escaliers. Oh là là.